Salut Isabelle. Salut. Comment ça va? Bah bien et toi? Mais très bien, merci. Et ça roule? Bah ouais. Ah, j'ai rencontré ta partenaire hier. Oui, oui, oui. Ah, tu savais? Bah ouais, elle me l'a dit. Bah, tu sais, Marion et moi, on est super amis. Tu vois, on part en vacances ensemble. Donc, ah oui, oh, ok, vraiment donc, des voilà. Amis ah, oui, oui, très chers. On est amis et tout. Donc oui, là, pour te dire, on va partir en vacances ensemble au mois de juillet avec mon mari, tu vois. Donc, Alors tu préfères ta copine avec ton mari, j'espère? Oui, mais, bah, attends, mais j'ai mon mari d'à côté. J'ai... Ah, c'est le trio? Non, non, non. Ok, non, vas-y. Non, non, non. Okay. C'est beaucoup plus petit bourgeois que ça. Hein. J'ai mon oh, mari c'est bourgeois. D'un... Voilà, je suis mariée d'un côté et tout, oui. Mais on part en vacances, donc avec mon mari. Et en plus, il y a Marion qui est avec nous. Ok, mais donc, c'est voilà. Une fille vraiment de fête. Ah, elle est excellente. Hein. Incroyable. Elle avait des choses à dire. Puis hier soir, en plus, elle a eu des émotions parce qu'on est allé au concert de Guitar Wolf oui, oui, tous ensemble. Elle m'en a parlé. Ouais. Et donc, ça se lamait énormément. Et la pauvre elle s'est Marion, blessée. La pauvre Marion, en fait, s'est pris le chanteur de Guitar Wolf sur la main pendant qu'elle faisait des photos sur scène. Donc, elle a terminé le concert. Elle avait super mal à la main. Et donc, on est allé au bar demander de la glace. Elle s'est retrouvée avec sa poche à glace sur la main. Mais comment ça s'est terminé? Et bah, écoute, elle avait un gros bleu, puis voilà, quoi, elle est dure au mal. On était inquiets sur le coup. Et puis, moi, je connais très bien les Guitar Wolf depuis 10 ans. Et il y a leur ingé son qui vient me voir, il fait bah, Isabelle, ils veulent vous voir et tout. On va dans la loge, on arrive, et puis t'avais Marion avec sa poche à glace. Et je fais au gars de Guitar Wolf, je dis à Seiji qui, tu vois, genre, il avait raconté dans son blog qu'on allait se voir le soir même et tout, tu vois, enfin bon. J'ai dit, Seiji, t'es atterri sur la main de ma photographe. Il était là, genre, il était tout content, c'était super. Tu avais Marion, après, je lui disais, si ça se trouve, il allait faire, tu sais, le bisou magique comme au gamin, oh, genre, oh, plus oh, bobo. Oui, oui, oui, c'est ça, béco bobo. Voilà, exactement. Oui. Toi, t'es une fille de rock, t'as vécu avec le rock, t'as grandi avec le rock, ou si c'est adolescente que tu t'es rebellée, tes parents étaient plus variétés ou... Écoute, j'avais un père qui était un gros collectionneur de disques. Donc là, t'enregistres depuis combien de temps que je sache? Depuis le début. Ah, ok. C'est encore mieux. Ah oui, bah oui. Mais là, j'ai deux magnétos. Okay. Ça, c'est mon côté. Mais je fais du montage. Hein. Tout est monté après. Non, mais il n'y a pas de souci. Alors, il y a des... Non, non, mais il y a non, des gens qui sont... tout ce que je dis pourrait être retenu contre moi. Oui, ben oui, comme toujours. Comme, ben oui. Non, écoute, moi, j'ai un père qui est un collectionneur de disques, mais plutôt des trucs français, etc. Sardou? Non, non, non, quand même pas. Okay. Non, il y a un peu de qualité, quand même. Ma mère écoutait Paul Naref quand j'étais gamine. Oh. Moi, j'ai grandi avec ça d'un côté, avec des trucs plus français traditionnels de l'autre, mais enfin des trucs de qualité. Brassens, Brel, Gainsbourg. Voilà, exactement. Plus aussi des trucs comme les Beatles, Elvis. Ah oui, mais ça, c'est rock, c'est rock. Voilà, et j'ai grandi là-dedans. Et puis, arrivé à l'adolescence, mon père a eu le malheur de m'offrir un disque de David Bowie. Lequel? Let's Dance. Oh. C'était absolument pas... Oh non, mais c'est rien à voir avec le reste avec de sa carrière. Non, mais c'est bon quand même. Hein, ce... Voilà, et puis... Mais non, tu trouves pas plus... Puis j'ai adoré, enfin, j'ai tout de suite adoré, je sais pas. L'album Let's Dance, t'as adoré? Oui, parce que, je sais pas, à 12 ans, enfin, tu vois, on n'a pas de référence musicale très pointue. Et je me suis dit, ah, mais c'est vachement bien. Et j'ai commencé à lire, il y avait énormément d'articles sur lui à l'époque parce qu'il commençait à avoir un succès vraiment mainstream. Et je tombe un jour sur un petit bouquin sur lui de Gilles Verlan. Qui citait tout le temps le célèbre Ziggy Stardust, blablabla. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce Ziggy Stardust? Qui est, ouais, c'est ça, qui est le et personnage? J'ai acheté l'album. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok, c'est pas la même chose. Et là, ça devient vraiment intéressant. Ok. Alors, Let's Dance, c'est pour toi un album comme parmi tant d'autres, pas important? Non, mais ça a été une espèce de porte d'entrée. C'est la clé qui m'a permis d'entrer dans un autre monde. À part ça, j'ai un attachement sentimental à deux, trois chansons dessus, parce que voilà, parce que aussi China Girl, China Girl m'a fait découvrir Iggy Pop, et ça... Incroyable. Je veux dire que bon... Je l'ai vu l'année dernière à l'Olympia. Je l'ai vu des... Ouais. J'ai dû le voir pas une dizaine de fois, mais ouais, 7-8 fois quand même. Ouais. Et puis, le fait de lire ce bouquin, ça m'a fait découvrir le glam avec Marc Bolan, parce que le rapport avec Bowie, ça m'a fait découvrir Lou Reed, inévitablement. Ça m'a ouvert la porte sur Andy Warhol. Avant les Velvet Underground, Lou Reed? Ouais, avant. Et en même temps, enfin, de manière concrète. Non, après. Voilà. Après. OK, après, mais selon... OK, voilà. Toi, c'était la première écoute que tu avais de Lou Reed. Voilà, tu ne connaissais pas avant. J'ai acheté Transformer dans la foulée. Ouais. Et puis, je me suis dit, attends, Lou Reed, Velvet Underground, Je fais des courses au supermarché avec mes parents, puis ils soldaient tous les vinyles, il y avait une espèce de solde de vinyle, et je tombe sur l'album avec la banane. J'en avais entendu parler, donc j'ai acheté. Et j'ai commencé à acheter comme ça tout, à décrypter un petit peu à ma manière, à me dire, bah tiens, on en parle dans ce bouquin de Gilles Verlan. J'ai commencé à me passionner pour Bowie, pour tout ça, j'ai acheté d'autres bouquins. Je me suis mise à lire Rock and Folk, à lire Best. À lire, Rock and Folk avant que tu y sois. Voilà, exactement. Et puis à lire des magazines anglais. Et j'ai eu tout de suite une espèce de côté, et ça c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez plein de confrères de la presse rock, c'est avoir le côté, au lieu d'être juste fan de musique, enfin acheter des disques et tout ça, avoir le côté un peu archiviste, genre ouais. Je veux savoir, aller plus loin. Voilà, t'achètes les disques, mais t'achètes aussi les bouquins qui te permettent d'évoluer. Voilà, d'évoluer, de remonter aux sources, de te dire, bah c'est pas juste, j'aime bien le disque de machin, c'est d'où ça vient. Et donc c'est venu comme ça. Et puis après, bah, je suis tombée dedans, quoi. C'était les vidéoclips, les disques, les bouquins, aller au concert. Et puis très vite, me dire, il faut qu'un jour, j'en fasse mon métier. Très vite, après l'école ou avant l'école? J'étais encore au lycée que c'était... je vais devenir journaliste de rock. J'ai très vite su que je ne deviendrais pas rockstar. OK, pourquoi? La gêne de monter sur scène, de t'exhiber? Non, pas du tout, okay. Non, mais je suis une brêle totale avec une guitare électrique entre les mains. Une brêle totale? Une brêle, ouais. Il n'y a rien à voir avec Jacques Brel? Non, pas du tout, non. Une brêle en français, c'est une quiche, une nullité. Okay. Je ne sais pas d'où ça vient, mais alors c'est vraiment, voilà. OK. Donc, pour le bien-être de l'humanité, j'ai décidé que je n'allais pas devenir... chanteuse? Pas, voilà. Ouais. J'ai pu, il y a un moment où il faut être réaliste. Moi, je me disais que finalement, ce que j'aimais, c'était écrire. J'admirais les rockstars, mais finalement, je trouvais que c'était encore plus intéressant d'écrire des bouquins et de décrypter, de transmettre le truc. Je dis pas que j'ai pas rêvé à un moment, tu vois, de faire ma rockstar. J'ai fait partie de groupes comme tout le monde et voilà, ça n'a pas dépassé ça. C'était vraiment écrire, être dans ce boulot-là. Mais as-tu fait une formation de journaliste ou au contraire? OK, autodidacte. Complètement. Mais tu as frappé aux portes de qui pour pouvoir entrer dans le milieu? Moi, j'ai fait... Tu étais tout le temps dans les spectacles? J'ai fait un parcours qui est finalement pas si atypique. J'ai commencé par aller bosser dans des fanzines quand j'étais... ado, vieil ado. Ça commençait, les fanzines. Voilà, à me dire, je vais écrire parce que... C'était bénévole à l'époque, ouais, pour te faire connaître, pour... Mais c'était même pas pour me faire connaître. Hein. Okay. C'était dans le seul but d'écrire ce que j'avais à dire sur la musique. Et voilà, quoi. Mais t'as écrit un livre? J'ai écrit 4 bouquins. Oui. Ouais. Mais à l'époque, c'était... c'était écrire. Truc. Et puis, j'ai pas fait d'études, en fait... doute bien que quand on dit à ses parents, alors je veux devenir journaliste de rock, ou même à tes profs, que t'es par ailleurs plutôt une bonne élève, tout le monde te rit au nez en disant, mais va faire tes études, fais un vrai métier. Donc j'ai fait complètement autre chose, j'ai fait des études qui ne menaient pas du tout à ça. En quoi? Au marketing. Ça c'est pour faire plaisir aux parents? Ouais voilà, marketing, pub, j'étais bilingue français-anglais, donc va faire des trucs dans l'international. Ça ne m'intéresse absolument pas, mais voilà. Et puis il se trouve que quelques années après, j'ai rencontré quelqu'un qui était journaliste, qui était un journaliste de rock and folk, et qu'on s'est retrouvé à vivre ensemble et à se marier. Ah. Et donc voilà, il s'appelait Thierry Chatin, il a été érudit rock, et c'était lui qui tenait la rubrique érudit rock pendant des années, qui a été journaliste dans les années 80 à rock and folk, et lui m'a poussé à envoyer des articles en me disant, mais attends, tu vas pas faire un métier qui t'emmerde toute ta vie en rêvant de faire autre chose. Mais quand tu envoyais un article, est-ce que lui poussait en disant, c'est ma copine? Ah non, moi je lui ai interdit de toute façon. Okay. Hein. C'était interdit d'emblée. Pour que tu puisses vraiment fonctionner de toi-même. Lui avait quitté Rock and Folk à ce moment-là et il n'était pas question de dire, tu vas m'ouvrir la porte parce que déjà c'est un milieu masculin. Ouais, donc quand tu débarques et que t'es une fille... À l'époque, aujourd'hui un peu moins. Hein. Voilà, ouais. En 96, c'était... Très masculin. Il y avait 3-4 filles qui passaient là-dedans. Il y avait Laurence Romance, il y avait... une ou deux autres, voilà, mais c'était vraiment principalement un milieu d'hommes. Donc moi, il n'était pas question que je fasse petite amie d'eux. Mais surtout pour ton talent, pour dire « je veux être reconnue pour ce que je fais, non pas avec, pour qui, avec qui je vis ». Exactement, j'avais pas envie de ça, j'avais pas envie d'être la copine d'eux. Et trouves-tu que pour les artistes, c'est difficile quand t'es un enfant d'être le père ou le fils d'eux? Oui, puis quand t'es... Et alors déjà, quand t'es l'enfant d'eux, c'est dur, mais alors quand t'es la copine d'eux, c'est carrément t'es un peu... T'as déjà l'étiquette Yoko Ono qui te colle à la peau. Donc là, c'était... Non, il est pas question que... OK. Et j'ai envoyé mes papiers, et puis Est-ce que tu te souviens du premier papier? Ah bah oui. Ah oui, bah aussi. C'était un papier sur les clips, je m'étais amusée, je regardais tout le temps Alternative Nation sur MTV, qui était une émission sur les trucs alternatifs Et il y avait quoi? Il y avait Front 242, c'était aussi underground que ça, ou il y avait des groupes un peu plus connus? Ah, c'était surtout... là, c'était Nirvana de l'époque? C'était Nirvana, tous les groupes grunge, pseudo-grunge, il y avait le début de Marilyn Manson, tout ça. Ah oui. Et ça m'amusait parce que moi, ado, j'avais grandi avec les clips de toute la pop, Madonna, Michael Jackson, avec des budgets énormes. Incroyable. Tout le monde était beau dedans, tout le monde était refait. C'était l'inverse, tout le monde avait les cheveux gras, des pellicules, des jeans dégueulasses. Et je me suis amusée à dire, à parler justement de ces clips avec les nouveaux codes. Et en fait, Philippe Manœuvre a trouvé ça rigolo et original. Intéressant. Voilà. Et ça l'a intéressé. Et est-ce que ça a été publié? Ouais, le papier a été publié. Mais d'abord, il a publié des petites chroniques, me faire des chroniques. Il m'a envoyé aux Eurockéennes avec un groupe. C'est déjà bien. Hein? Voilà. Et lesquels, groupe? C'était Massisteria. Oui, qui n'existe plus. Non, mais c'est pas ma faute. Non. Je suis pour rien. Voilà, c'est ça. Et naturellement, lui a très vite su que j'étais la petite amie de Thierry Chatin, m'a présenté à tout le monde comme étant sa petite. Et j'ai fait bon. Et voilà, ça a été. Et en fait, très rapidement, les mecs m'ont adopté non pas comme étant la petite amie d'eux, ça a été une passerelle au départ, mais très vite, ça a été Isabelle, et puis voilà. Et je me suis aperçue que c'était pas un milieu plus macho que d'autres, c'est que simplement les filles n'y allaient pas. Puis il faut prendre sa place. Oui, voilà. Et moi, ça a été très clair d'emblée, c'était les gars, je m'y connais autant que vous. J'ai des lacunes comme vous, mais j'ai des connaissances comme vous. Donc, on y va. Vous m'acceptez ou vous m'acceptez pas, mais voilà. Je serai pas, je vais pas prouver toutes les 5 minutes que je suis légitime. Et je pense que voilà. Ça s'est entendu. Oui, et puis quand ils voyaient que, quand ils essayaient de me faire le plan soit du quiz musical, genre est-ce que tu connais ça, ok. Juste pour savoir, te sonder. Voilà, soit c'était est-ce que tu vas tourner de l'œil au bout de 5 minutes si on raconte des blagues immondes? Ah bah non, j'en raconte des pires que vous. Et est-ce que tu vas tenir au bar? Ok. Donc ça a été très vite. Bon, des trucs de mec, là, voilà. Voir si la fille peut tenir quand même. Voilà, et les mecs n'étaient pas plus machos que ça. Moi, je me suis très vite fondue là-dedans. Mais ton style d'écriture, est-ce que tu l'as développé en solitaire ou si tu... En français, t'avais quelque chose d'intéressant, ton professeur te disait « Ben, continue, t'as vraiment une voix... » J'ai toujours été une pure littéraire. Donc, moi, j'aimais écrire. Je sais pas, vers l'âge de 10-11 ans, je commençais déjà à écrire. Ton journal? Non, des romans, Dieu merci. Je ne les ai pas gardés, ils n'ont pas été publiés. Tu les as plus? Non, j'ai tout viré. Non, mais attends, c'était... Tu sais, c'est des... Et j'ai toujours écrit depuis que j'ai 11 ans, 10-11 ans. Et à force d'écrire, forcément, tu t'améliores. Oui, Dieu merci. Hein. Voilà, et puis... je suis une grosse lectrice, donc aussi bien... Tu lis quoi, quelle sorte de romans? Alors, je lis énormément en anglais, c'est très drôle, parce que je lis beaucoup en anglais. Peut-être pour ne pas être influencée par un style en français, mais je sais pas, je disais Paul Auster, Douglas Copeland, j'ai dévoré tout ça, Bill Bryson. Alors ta langue, c'est français et l'anglais. Voilà, Jasper Ford. Et j'ai lu énormément de bouquins sur la musique. Je sais pas, il y a plein d'auteurs. Bon, évidemment Lester Bangs, Nick Kent, Les Incontournables. Plein d'autres aussi, peut-être un peu moins connus, mais tout aussi bons, dont les noms ne me reviennent pas à l'instant. Ok, oui. Et je pense que... Alors, j'ai pas du tout été influencée par l'écriture de ces gens-là, parce que c'est des gens qui ont une plume vraiment très personnelle, et les copier, ce serait... ça serait forcément faire quelque chose de médiocre. Mieux enfin, vaut avoir son propre style. Voilà. Mais j'ai essayé de m'inspirer de la façon dont ils tournaient leurs papiers, c'est-à-dire des fois en partant d'une anecdote, en fouillant, en essayant de s'éloigner des sentiers battus, en s'éloignant du truc purement promotionnel, en essayant de ne pas rebattre des idées. Et je crois que ce qui m'a toujours guidée dans l'écriture, c'est d'essayer de lire ce que faisaient aussi les autres et de me dire quels sont les clichés qu'ils ont rebattus dans ces trucs-là. Pour ne pas y voilà. les remettre. C'est-à-dire, on va parler de tel groupe où le chanteur est mignon, ben on va justement pas parler de son physique. C'est un exemple où, je sais pas... ou essayer de se dire, bah, si on faisait un article sur Pete Doherty, comment ne pas parler de drogue, okay, tu vois, ouais, essayer ouais, d'aller à brousse-poil ou de trouver des choses un peu intéressantes sur un des autre gens. Profil, un autre voilà. profil. D'essayer de dresser des portraits plutôt que de faire un question-réponse. Alors toi, c'est ta marque de commerce, c'est de voir l'artiste, mais autrement. Je ne sais pas si c'est comme ça que je suis considérée dans le boulot, mais... C'est ce que tu veux, c'est ce que tu t'as. C'est ce que moi, j'essaye de faire. OK. Essayer de pas... Sortir des préjugés, des stéréotypes. Voilà. J'aime pas ce genre de truc de... ou alors de faire du question-réponse promo très paresseux. Ouais. J'essaye toujours de donner un plus, de me dire, si moi, j'étais à la place du lecteur, qu'est-ce que j'aimerais trouver dans ce papier? OK. Essayer de trouver des infos qu'il n'y a pas ailleurs, essayer d'avoir un point de vue perso, ouais, de m'éloigner un peu. Mais est-ce que tu rencontres aussi des rockeurs français ou si tu es britannique, États-Unis? De tout. OK. Ben, je fais la rubrique « Mes disques à moi » à Rock and Folk, où donc on parle de la discothèque d'une personne ouais. Célèbre. OK. Voilà. Et ben, ce qui est intéressant, c'est que je rencontre des écrivains, des acteurs, des réalisateurs, des dessinateurs de BD, des gens... Vraiment dans un autre univers voilà, que la musique, exactement. Et tu les ramènes à la musique. Et du coup, c'est super intéressant parce que... Mais bah, si ces gens-là, tu dois connaître un peu leur option, puisque sinon, exemple, un écrivain qui aime uniquement le classique, là, t'es dans la merde... Oui, mais finalement, ça m'est arrivé d'interviewer des gens qui n'avaient pas du tout des goûts musicaux orientés rock, qui allaient aimer, je sais pas, le jazz, la world music ou le hip-hop. Et l'intérêt, c'est de leur en faire parler, d'établir des pourquoi, passages, de pourquoi? Me dire, voilà, okay. Pourquoi t'aimes ça? Bah, décris-moi, qu'est-ce que ça te fait quand t'écoutes du hip-hop? Comment tu l'as découvert? À travers quel biais? Et ça peut être très intéressant, justement, d'avoir des gens qui n'aiment pas, de se mettre dans la posture du néophyte, et de dire, bah, explique-moi pourquoi t'aimes le hip-hop plutôt que, je sais pas, Elvis ou... Mais lorsque tu rencontres quelqu'un, as-tu un magnéto comme moi, est-ce que tu l'enregistres et tu réécris vraiment textuellement ce qu'il dit, ou si tu entrecoupes en mettant trois points de suspension et en ouvrant les guillemets pour couper? Ça dépend. Okay. C'est-à-dire que quand je fais mes disques à moi, je retranscris, parce que là, c'est vraiment la parole. Quand c'est les goûts des gens, je vais pas dire... machin aime bien Mozart alors qu'il m'a dit qu'il aimait ouais. le jazz, tu vois. J'essaye d'être très précise. Après, quand c'est vraiment un papier portrait, je retranscris donc les citations des gens. J'essaye d'être toujours de coller au plus juste de la citation. J'aime pas du tout. Okay. Pas. Alors... Mais après, je mets mon point de vue. Ah, okay, j'articule. Okay. Je fais vraiment un portrait avec des citations. Des ça, citations réelles que tu as captées voilà. avec le voilà. magnéto. Ça, c'est un exercice que j'adore faire. Mais la rencontre avec un artiste dure à peu près combien de temps? Une heure? Ça dépend. Normalement? Normalement, oui. C'est 45 plutôt minutes, une heure. Ouais, ouais. OK. Mais là, après ça, tu réécoutes. Non, je réécoute d'un trait et je retranscris. Au kilomètre. Alors, tu retranscris vraiment voilà, la rencontre en 45 minutes. Mais après, ça m'est arrivé aussi de partir en tournée avec des gens et de passer 3-4 jours avec eux. Oui, mais il y a des artistes là qui s'expriment pas très bien, qui sont greffés sur quelques onomatopées, qui... Quand quelqu'un s'exprime, fait Tu les mets pas? T'enlèves les Ouais. Après, j'ai deux attitudes. Si la personne est juste quelqu'un de très timide, et ça m'est arrivé de rencontrer des gens extrêmement timides, qui ne parlent pas beaucoup, donc déjà... Mais sur scène, ils ne le sont pas. Voilà. OK, c'est incroyable, hein? Ah, mais il y a des métamorphoses. Oui, mais oui. Dans ces cas-là, déjà, je m'arrange pour qu'ils parlent. OK. C'est-à-dire? Bah, tu les laisses parler. Tu relances très discrètement. Tu essayes de ne pas les étouffer. Tu leur donnes de l'espace. Je parle peu comme je ne fais pas là. OK. Là, tu meubles l'espace, c'est ça? Et si je vois que c'est simplement des gens qui n'ont pas grand-chose à dire parce que ils sont un peu crétins sur les bords... Oui, c'est ça, intellectuellement, ils ne sont pas... Voilà, et si, par là-dessus, il se trouve qu'ils sont désagréables et un peu prétentieux, je ne vais pas me gêner pour retranscrire texto ce qu'ils disent parce que... Pour montrer que c'est des cons. Voilà. Mais j'irai jamais inventer quelque chose. Non, c'est vraiment ce qu'ils ont dit. Voilà. Je laisse texto ce qu'ils ont dit. S'ils ne sont pas capables d'assumer après, tant pis pour eux. Mais si c'est des Anglais, tu traduis ou si c'est quelqu'un qui fait le traduit? Okay. Je traduis. Et je traduis au plus juste. Comme par ailleurs, je fais aussi des traductions de bouquins. Ils ne peuvent pas dire après que j'ai mal retraduit ce qu'ils ont dit. OK. Alors donc, tu as comme un double alibi. Mmh. En disant, je fais de la traduction. Exactement. Puis ils se rendent bien compte que je parle. Franchement. Bien anglais et que. Il n'y a pas de travestissement de propos. Voilà. Non, non. Voilà. Non, et si vraiment il y a un propos que je n'arrive pas à analyser parce que la personne s'est mal exprimée ou qu'il y a un truc que je n'ai pas compris, je préfère le laisser tomber plutôt que. Surtout si c'est un truc un peu à controverse. C'est-à-dire? Je sais pas. Ça m'est arrivé de. Après le 11 septembre, par exemple, tout le monde parlait de ce sujet-là. Il m'est arrivé d'interviewer des gens qui avaient un propos un peu... positif vis-à-vis de ce qui s'était passé, c'est voilà, ça? Voilà, un peu bizarre, un peu ambigu. Je savais pas trop ce qu'ils voulaient dire. On n'avait pas trop le temps de s'apesantir sur le sujet. Plutôt que de publier quelque chose qui pouvait prêter à controverse, voilà, leur valoir après d'être cité, d'être déformé. Tu vois, que leurs propos soient déformés et qu'ils passent pour, je sais pas quoi, des antisémites ou des antisémites ou des anti-musulmans ou je ne sais quoi. Okay. Je préférais couper plutôt que de dire, de citer quelque chose qui n'était pas, dont j'étais pas sûre à 100%. Alors là, lorsque tu rencontres un individu, tu peux aussi faire un montage narratif. Il y a des trucs que tu placeras pas parce que ça le met pas en évidence et peut-être que là-dessus, il paraît pas très bien. Oui. Ça m'est arrivé de... En fait, non, je crois que ce que j'ai coupé dans les papiers, c'est quand je sens que la personne me dit des choses beaucoup trop personnelles. Parce que la personne est très à l'aise, parce que la discussion... Ah, tu serais incapable de mettre quelque chose de trop perso. Ça m'est arrivé d'interviewer quelqu'un qui avait rompu avec sa petite amie peu de temps avant et qui, en plein milieu de la conversation, commence à me dire que c'était super dur de rencontrer quelqu'un et que sa copine, ça s'était mal terminé. Et il se lance dans l'espèce de confidence, comme il l'aurait fait à quelqu'un, tu vois, à une amie. Un ami, ouais. Et, tu te sentais pas à l'aise de raconter ça? Je me disais qu'il était juste... Peut-être un an après, il n'aurait pas apprécié. Exactement. Peut-être qu'une heure après, il n'aurait pas dit la même chose il avait un coup de déprime. Je me suis dit, à sa place, j'aurais aimé que quelqu'un ne le fasse pas. Donc, c'est une question un peu d'élégance, de se dire que c'est pas parce que quelqu'un fait de la musique et est un personnage public qu'on doit tout dévoiler à son sujet. Et je suis pas journaliste people. Avant tout, je suis pas journaliste people. Je parle de musique. Je ne parle pas de leurs états d'âme. Mais tu es quand même éthiquement assez professionnel, c'est-à-dire que tu ne veux pas tout dévoiler, parce que certains se ramasseraient sur ce propos-là puis en feraient la une. Ouais, mais j'ai pas... Enfin, déjà, Rock and Folk n'est pas un magazine people. Non, on n'est pas orienté là-dessus. Ouais. Et... Non, mais tu aurais pu le proposer à une autre maison, là. Ouais, t'étais pas non plus... C'est pas mon... Non, c'est truc. Ça. Je suis pas journaliste. Alors, éthiquement, t'es vraiment... D'un autre côté aussi, ça me permet d'avoir la confiance des gens. Mm-hmm. Parce que les mecs... Ah oui, c'est ça, parce qu'ils reviennent après. Oui, ils reviennent. Donc, tu peux pas dire n'importe quoi, parce que sinon, ils voudront plus te le dire, ils voudront plus jaser avec toi. Puis, ils vont le dire aux autres aussi. Oui, puis j'ai pas envie d'avoir la réputation. Tu vois, tout se sait, c'est un tout petit milieu. Si t'as piégé quelqu'un, l'attaché de presse va le savoir, va te dire, va pas avoir envie après de te laisser interviewer n'importe qui. J'ai pas envie de me griller pour publier trois phrases vaguement croustillantes. C'est pas mon fond de commerce. Okay. Piéger les gens pour les piéger ou les mettre mal à l'aise, c'est pas mon truc. C'est pas ta tasse de thé, tu te sens pas à l'aise avec ça? Non, je suis pas... D'abord, je lis pas les magazines People, donc je vais pas bosser pour eux. Alors, lorsque tu rencontres une autre personne que tu as vue 3-4 fois, tu sais que tu n'as aucune gêne parce que tu l'as amené sur son meilleur jour. Alors, tu n'as pas de stress de dire « Oh, j'espère qu'il va pas m'en vouloir de... » Ben, je suis d'un autre côté, enfin, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai interviewé des gens, souvent après, ils viennent me dire « Ah, mais c'était une super interview, j'étais très content. » Ah, c'est bien. Ils sont contents dans l'ensemble. Ouais. Il y a plein de gens qui m'ont remercié. Il y a des attachés de presse qui m'ont dit « C'est un super papier. » Donc, moi, je suis contente comme ça. Et c'est vrai que quand j'apprécie les gens, j'ai envie de les montrer sous un jour intéressant. C'est pas flatteur ou pas, tu vois, pas leur cirer les pompes, mais faire en sorte qu'ils soient intéressants, pertinents, qu'ils aient des trucs à dire, les mettre sous un jour, donner envie au lecteur de s'intéresser à leur cas. Ouais, c'est ouais. ça le but du truc. Est-ce que le premier papier, tu l'as envoyé à Rock and Folk ou si tu en as dispersé à droite et à gauche dans des... Alors, j'ai envoyé d'autres papiers à d'autres magazines d'une moindre notoriété que Rock and Folk qui ne m'ont jamais répondu. OK. Assez rigolo. Moins reconnu. Et le premier qui m'a répondu, c'est Rock and Folk. Donc moi, au départ, je voulais commencer modestement. Et toi, tu rêvais de Rock and Folk. Voilà. Mais au départ, je me suis dit, de toute façon, je n'entrerai pas tout de suite à Rock and Folk. Je vais aller faire mes armes ailleurs. Oui, c'est ça. Mais tu l'as, fondamentalement, tu l'as fait avec des webzines. Alors, je l'ai fait après. Je suis allée après dans des webzines. J'ai écrit pour pas mal de webzines, ce qui était super intéressant parce que parallèlement à bosser à Rock and Folk, qui est un mensuel, donc on n'a pas tant d'interviews que ça tous les mois, on n'a pas tant de chroniques. Je faisais des chroniques et des interviews pour des webzines et ça c'était intéressant parce que du coup je rencontrais plein de monde. Je me faisais aussi connaître de tous les labels, des attachés de presse et tout ça. On reconnaît ta bouille donc à chaque fois. Et voilà. Et puis comme j'étais une des rares filles à bosser là-dedans et que j'avais quand même un peu de personnalité, les gens me reconnaissaient. Et du coup, après... Tu dis un peu de personnalité, dans quel sens? Tu prends ta place? T'es pas gênée? Alors, je suis pas culottée, je suis une timide à la base. OK. Mais tu veux prendre ta place. Mais voilà. Et j'ai un boulot à faire, je veux le faire. Voilà. Et j'ai pas mal d'humour, je pense. OK. Et ça passe à travers l'humour. Ouais. En disant, c'est pas parce que je suis simplement une fille, vous allez me laisser... Exactement. Et puis... Je sais pas, en plus j'avais un côté passionné, quoi. C'était du genre, est-ce que je peux aller à tel concert, est-ce que je peux... Tu frappes ou pas? Voilà, c'est-à-dire sans m'imposer, tu vois, sans dire, hey, coucou les gars, c'est moi, c'était du genre, est-ce que je pourrais aller à tel concert, est-ce que je pourrais écouter tel disque, est-ce que... Voilà, côté passionné, et puis évidemment, avec Internet, ça facilitait énormément les choses. Ah oui, c'est une belle porte, c'est une très belle opportunité. Mais avec les années, tu travailles... Depuis 9 ans de... Je travaille depuis 96 ou 97 à Rock and Folk. Je suis pas très douée pour les dates, même me concernant. OK, mais c'est bien. Alors, tu as rencontré plusieurs vedettes, tu as rencontré plusieurs chanteurs, plusieurs journalistes. Et est-ce que des gens surprenants? Oui, alors tout le temps. OK. Ce que j'adore, un artiste est surprenant à la base. Ce que j'adore, c'est que je suis toujours surprise. C'est-à-dire que... Ce que tu vois sur scène, c'est pas vraiment ce que tu vois. Non, alors déjà... Parce que j'ai rencontré les Cramps, qui étaient quand même les gens les plus extrêmes sur scène, qui avaient des comportements complètement... Délurés, oui. Fous. Anarchistes, oui. Et qui, dans le privé, étaient des gens extrêmement doux, timides, posés, polis, charmants, hyper cultivés. Bon, ça, évidemment, je le savais. Ouais, à travers leurs chansons. Mais c'était très surprenant. Étais-tu déçu? Alors, j'ai eu des déceptions. Non, mais quand tu as vu ce groupe-là... Ah non, pas du tout. Non, moi, ça... Au contraire, ça a revampé le groupe. Là. Oui, complètement. Non, mais moi, je préfère voir des gens qui ne jouent pas des personnages en interview, qui sont eux-mêmes et qui, sur scène, sont autres. Je trouve ça beaucoup plus équilibré. Je ne suis pas quelqu'un comme Iggy Pop. Un de ses hobbies, c'est le jardinage et le golf. Incroyable, hein? Voilà. Mais on ne l'a jamais vu, une photo de lui jouant au golf, hein? Oh, oui. Je ne sais pas, il doit bien y en avoir. Ah oui? Peut-être qu'il les brûle. Ou il brûle la paparazzi qu'il prend photo. Je pense pas, parce qu'il est plutôt bien élevé. C'est vrai. Mais je m'attends... Tu vois, on me dirait que Iggy Pop, à 60 ans, passe son temps à sauter dans tous les sens dans la vraie vie. Je trouverais ça bizarre et un peu immature. Et je préfère savoir qu'il a un personnage public et que dans la vie privée... Voilà. Jardine. Voilà, je trouve ça beaucoup plus riche, plus intéressant. Ouais. Je sais pas, Nick Kev m'a parlé de sa passion pour la cuisine. Et ce qui est très drôle, c'est que souvent, les gens, au bout d'un moment, te parlent de leur truc à côté. Marilyn Manson adore aussi faire la cuisine, faire la pâtisserie, tu vois. Et c'est plutôt rigolo de savoir ça que de se dire que ils sont monolithiques et ils n'ont qu'une personnalité. C'est ça. Voilà. C'est ça. Mais lorsque tu rencontres une vedette et que déjà là, t'es très... tu le trouves exceptionnel, est-ce que tu es intimidé devant... Ah, complètement. Oui? Ah, ben, heureusement. Est-ce que c'est lui qui te replace et qui te dit oh, écoute, je suis comme toi. Alors, non, ce qui est très drôle, c'est que par exemple, je sais pas, je serais dans un ascenseur, mettons, avec Marilyn Manson, je serais absolument incapable de lui dire bonjour, monsieur Manson, j'aime ce que vous faites. Parce que je serais morte de timidité et puis de me dire mais je vais pas l'emmerder, là il prend l'ascenseur. C'est pas la première fois que ça le fait faire. Ouais. Voilà, il a envie d'être tranquille. Ouais. Mais si je viens faire mon travail, que j'ai mes questions, que j'ai écouté l'album, que j'ai une légitimité, alors j'ai le track avant, mais à partir du moment où je suis devant la personne, c'est fini. Voilà, j'ai enclenché le mode professionnel, donc j'ai mon quart d'heure de track avant, voire ma matinée de track avant, mais j'arrive devant la personne, je suis parfaitement à l'aise. Mais plus tu la vois, moins t'es traqué. Oui. Parce qu'il y a comme une certaine amitié. Ouais, puis c'est le boulot. Oui, c'est ça. Non, mais les gens... Ah, oh, salut Isabelle. Voilà, tu fais ton métier. C'est ça. Et puis, tu as des gens qui savent très bien te mettre à l'aise et le contact passe. Et le contraire aussi. Ah, il y en a qui se font la forte. Mais finalement, c'est rare, pas tant c'est rare. Que ça. Non, je ne suis pas quelqu'un que je trouve très impressionnant physiquement. Enfin, quelqu'un comme Nick Cave, qui est quelqu'un de très impressionnant. Tu sens que si tu arrives, que tu n'as pas préparé tes questions, que tu n'as pas écouté l'album... Il va t'expédier en 5 minutes et au revoir. Mais s'il sent que tu as préparé, que tu t'y connais, etc., il va déjà te faire des réponses intéressantes. Il va te poser quelques questions. Essayer de te désarçonner vaguement pour jouer un peu, parce qu'il a un côté très joueur. Puis il a tellement fait d'interviews qu'il faut bien qu'il connaît un peu. Ouais, ouais. Il faut bien qu'il s'amuse un peu dans son boulot. Et c'est sur ton dos, malheureusement. Mais du coup, c'est intéressant. Du côté français, est-ce qu'il y en a qui te... Coince encore? Est-ce qu'il y a des artistes que tu voudrais plus revoir ou... Alors, dans les Français, j'ai quand même eu très souvent des expériences plutôt bien. Bon, après, il y a eu des gens pas très intéressants. Mais connus, mais pas très intéressants, c'est ça qu'il n'y avait pas grand-chose? Alors, non, souvent des gens pas très connus, Ok. Mais dans les gens très connus, enfin, je sais pas, par exemple, j'ai interviewé quelqu'un comme Benjamin Biolay. Oui. Que j'ai trouvé absolument charmant, quoi. Un mec, je le rencontrerai à nouveau avec plaisir, parce que alors, okay. Il a un côté très timide au départ, très réservé, il parle pas fort, mais qu'il y a quelque chose à dire. Voilà, exactement. Dans les Français, je suis en train de réfléchir. Mais j'ai pas eu tant de mauvaises expériences que ça, quoi. Je dois les compter sur les doigts d'une main, les gens vraiment... Est-ce que les nouveaux se sentent beaucoup plus grand que nature parce que les David Bowie ont rien à prouver, tandis que peut-être que le petit nouveau va jouer la grosse... Oh, ben, t'as toujours, oui, t'as toujours le petit branleur qui a sorti un single, ça. Qui est Single of the Week. Là, qui joue à la radio, et là, la tête lui rentre plus dans voilà. La porte, comme on dit au Québec. Généralement, ça se dégonfle assez vite. Ouais, parce qu'il n'y a plus d'autres succès. Oui, j'ai eu Lily Allen qui m'a fait son grand numéro comme ça, de tête à claque. J'ai retranscrit l'interview telle qu'elle. C'est-à-dire que c'est elle qui passait pour une cruche qui n'avait rien à dire. Alors que j'étais venue avec la ferme intention de avec la valoriser. Voilà, de lui poser des questions intelligentes et pas des questions de magazine féminin, genre c'est quoi ton designer préféré. Moi, c'était. Parler de ses paroles de chansons, de ses points de vue, de ses idées. Elle avait rien à dire là-dessus. Bon, bah, il y a un moment, tu fais... On va passer à quelque chose de plus superficiel. Voilà, j'avais 35 questions à te poser. Tu les as expédiées en 25 minutes, tant pis pour toi. Est-ce que ça t'arrive aussi de lâcher tes questions et de rentrer vraiment dans... Toujours. Oui, hein? Et à un moment donné, est-ce que le fait aussi de rencontrer une autre personne pour la troisième fois, tu oublies tout ce que tu as fait? Et le bonjour va amener tellement de... Complètement. Oui, mais c'est rare, c'est rare. Non, parce qu'au bout d'un moment, les gens, déjà, tu les revois. Mm-hmm. Donc déjà, t'as 10 minutes ou quoi. Alors, qu'est-ce que tu deviens... Tu sais, où tu parles, même si t'es pas ami, parce que tu deviens pas ami avec des gens... Simultanément, oui. Non, rapidement. Voilà. Tu peux avoir une très bonne relation d'être copain, d'avoir plaisir à te voir, etc. Mais oui, les questions, je les oublie toujours. Elles sont là, elles me rassurent. C'est, au cas s'il y a un blague, voilà. Tu vas te référer à ça. Mais déjà, quand la personne te parle, te raconte quelque chose, bah, ça ne suit pas forcément l'ordre de tes questions. Donc tu rebondis, tu le sais puisque tu fais des interviews, tu rebondis, tu pars sur autre chose. Et si la personne, en plein milieu de son interview, me parle, je sais pas, d'art contemporain, eh ben on va partir là-dessus. Okay. Ou s'il me parle de alors, politique, t'es prête à tout. De religion, de n'importe quoi, bah, t'y vas, tu continues à creuser. Ouais. Parce qu'il y a du jus, il y a quelque chose à aller prendre là-dedans. Exactement. Et bah, du coup, tu sors de la question, enfin du truc, alors comment était le producteur et le studio et la scène et les concerts et le clip. Tu vois, ça offre quelque chose de nouveau. Et toi, tu n'as aucun schéma, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu rencontres une vedette que tu vas arriver avec ta liste de... Non. OK. Alors, chaque personne, c'est en écoutant l'album, il va t'avoir une idée. Donc, pourquoi ce titre-là? Que voulais-tu dire en amenant ça? C'est sur... Oui, évidemment, si je vois que l'album a été enregistré dans un studio particulier ou dans un truc... On en parle, c'est un petit peu selon l'album, selon l'humeur de l'album, selon la carrière aussi, ce qu'il a fait avant. Mmh. J'essaye de lire un maximum de choses sur la personne, d'arriver avec des biscuits. Mais quand tu le rencontres pour la sixième fois, tu veux pas non plus être redondante, donc tu essaies d'avoir un suivi, tu vas relire ce que tu as écrit. Non? Où tu te souviens? Tu as un disque dur assez... Je relis toujours. De toute façon, je me fie jamais à ma mémoire. Je relis toujours ce que j'ai fait avant. Quand je prépare une interview, je la prépare vraiment. Pour pas être redondant, voilà, pour pas toujours arriver avec la même question. Non, voilà. Tu te dis, mais merde, ça fait trois fois que je lui pose la même question. Puis... Oui, puis me dire aussi que simplement, peut-être que la personne, ça fait aussi trois fois qu'elle répond à la même question. Ouais. OK, tu essaies de trouver quelque chose de plus hors norme pour avoir l'air de te démarquer, pour te démarquer, pour être plus intéressante, pas plus intéressante, mais avoir un contenu peut-être autre que la majorité. Complètement. Puis le rock, c'est ce qui t'anime, c'est ce que tu... c'est ce que t'écoutes depuis que t'es tout petite. Ouais. Alors donc, sans rock, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'existence. Mais en plus, il n'y a pas que ça. Ce qui est drôle, c'est que ça m'a ouvert la porte sur plein de choses, sur la bande dessinée, sur l'art, sur la photo, sur... La gastronomie, sur... Non, mais je m'intéresse à plein de choses. À la création en général. Voilà, c'est-à-dire que je ne m'intéresse pas qu'au rock pur et dur. Non. Je vais m'intéresser à la photo, pas qu'à la photo rock non plus. C'est-à-dire que, je sais pas, quand j'ai vu, justement dans les années, dans le milieu des années 90, dans le post-grunge, toutes les vidéos de Nine Inch Nails et de Marilyn Manson, faites par Fiora Sigismondi, qui était très inspirée des photos de Joel Peter Witkin. Au début, je connaissais pas trop Joel Peter Witkin. Je suis allée voir ses photos et ça m'a ouvert à toute une partie artistique, je sais pas, c'est à chaque fois, il y a quand même... La plupart des artistes un peu intéressants ne s'intéressent pas qu'à la musique. Dieu merci. Ils se passionnent pour plein d'autres choses. Voilà. Ils ont une culture générale. Et donc, ça se nourrit. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont surpris en discutant avec? Parce que, après ma barre, tu croyais que c'était des cancres, des imbéciles, et en parlant avec, c'est quand même... Très souvent. Ils ont une profondeur d'esprit... Mais très souvent. C'est-à-dire que les mecs aiment bien passer pour le des dernier cons. De la classe. Oui, c'est ça. Et le côté rock aussi, le côté délinquant, le côté... Voilà, et puis... très vite, quand tu discutes avec eux, tu t'aperçois. Bon, alors, il y en a qui sont... cons. Qui sont un peu couillons, il faut bien le dire. À la base, cons, ils sont nourris. Mais la plupart, bouquinent, ils s'intéressent aussi au cinéma. Il y a un truc très bête. Quand ils sont en tournée, ils sont dans un bus... des heures par jour, donc faut bien s'occuper. Alors bon, il y a ceux qui jouent aux jeux vidéo, mais il y en a quand même beaucoup qui vont voir des films, il y en a beaucoup qui vont lire, il y en a beaucoup... ils ont plein de choses à raconter sur... Moi, souvent, je leur demande d'ailleurs ce qu'ils font pendant la tournée pour occuper leur temps, et ça part sur d'autres sujets. Et voilà. OK. C'est là que ça peut s'ouvrir sur plein de trucs. Et puis, je sais pas, par exemple, quelqu'un comme Frank Black est capable de faire tout un album thématique sur un peintre ou un artiste un peu inconnu. Et du coup, on part sur une autre direction comme ça, où il me raconte justement cette personne-là. Est-ce que tu reçois des courriels de gens qui t'ont lu et qui ont vu une autre facette de leur artiste en disant « Hey, tu m'as éclairé, j'ai... » Par Facebook, du coup, on a pas mal avant... Le seul feedback qu'on avait, c'était un peu du genre « Ouais, mais t'as oublié de dire ça. Ah oui, OK. Ouais, non, t'as critiqué l'album de machin, mais il était trop bien. » Et maintenant... c'est plus articulé. Oui, voilà. Ouais. Du coup, comme on est plus accessible, bah, du coup, il y a du négatif, du positif. Les gens disent des tas de choses. Alors, t'en prends et t'en laisses. Non, parce que des fois, les critiques sont justifiées. Ah oui? Est-ce qu'il y a des papiers qui te semblent un peu moins à ta mesure, un peu moins à ton talent? Est-ce que tu regrettes quelques... La personne la plus dure... C'est toi? Critique, ouais, c'est moi. Mais avant que ça paraisse, donc, ça passe par le moulinet de ton regard, de ta compréhension? Ouais. Alors, déjà, je suis très rarement satisfaite de ce que je fais. Enfin, déjà, quand j'envoie un papier, c'est genre, bon, ça va aller. Insatisfaite. J'ai mes impératifs de qualité, c'est-à-dire qu'il y a des connaissances, c'est pas écrit avec les pieds, voilà. Après, je me dis, est-ce que ce sera vraiment bon? J'en sais rien, j'ai pas de recul. Ok. J'ai beaucoup de mal à avoir du recul. Après, ça m'arrive de relire des trucs en me disant, oh là là, mais comment j'ai pu dire ça? Normal. Et puis, il y a des fois où, là, il y a quelques mois, je lis sur Facebook, il y avait quelqu'un qui avait mis deux petites phrases. Et en mettant entre parenthèses, enfin en me taguant, je dis « Ah, mais c'est rigolo, ça parlait d'un truc des de John Jett, voilà. » On me dit « Ah, c'est bien tourné. » Il me dit « Ah, j'aurais bien aimé écrire ça. » Et puis je me dis « C'est bizarre, ça me dit quelque chose. » Oh. Je vais revoir un vieux papier et c'était moi qui l'avais écrit. Donc c'est pour dire que, un, j'ai pas une mémoire infaillible et deux, je suis rarement à me... Enfin, à être super, tu vois, à me dire, ah, j'ai encore pondu un truc de génie. Je suis pas. Je suis une critique. Alors, tu étais insatisfaite. Ouais, je suis une insatisfaite tout le temps. Alors, c'est difficile pour ton entourage et pour toi de vivre cette insatisfaction. Surtout quand tu remets quelque chose, tu dis, ouf, oui. Moi, je me dis, ouais, ça va aller. Mais t'es jamais content? Non, ça peut m'arriver de me dire, ah, là, ça va. Je pense que là, j'ai bien fait. Mais après, non, bon après au bout d'une semaine, je me dis, ouais, finalement, c'est pas si mal. Ok. Non, c'est à plusieurs étages. Okay. Je fusais à plusieurs étages. Okay. Souvent, je fais relire à mon mari. Après voilà. Ça, c'est comme un peu. Je fais relire à mon mari, je lui dis, est-ce que là, ça peut le faire? Il me dit, oui, là, vas-y. Ok, c'est lui qui est ton premier. C'est mon premier lecteur. Okay. Il y a des fois, il me dit, non, là, à reprendre. Là, non, c'est. Tu peux encore leur travailler. Mais quelquefois, est-ce que tu dis, non, il se trompe parce que j'ai vraiment touché la cible? Non, ok. Non, alors, je fais confiance. Okay. Je fais confiance parce que je sais qu'il a aucune complaisance, tu vois, ça va pas être. Il veut pas faire ça pour te faire plaisir. Non. Et on a une espèce de relation comme ça de confiance. Franchise. Et donc je sais que si lui me dit c'est pas à la hauteur, je sais que c'est pas à la hauteur et que je peux faire mieux. Alors c'est lui qui te, ouais, voilà. Qui est ton premier lecteur et qui te dirige. Ah, j'ai 10 questions avant de nous quitter. Tu peux y réfléchir ou tu peux te lancer comme tu veux. Si tu étais un liquide? Je serais un bon verre de Brouilly. De Brouilly? De Brouilly, c'est du vin rouge. Okay. Un bon verre de vin rouge. Ok, ça, c'est de quelle région? Le Brouilly, alors là je suis, je ne sais pas si tu es embrouillé dans le Brouilly. Voilà. Ok, si tu étais une ville? Une ville, Tokyo. Tokyo? Tokyo, parce que c'est la ville que j'ai visitée, que je crois que j'ai jamais eu une telle claque. Mais qui t'a suivi comme artiste à Tokyo? C'était qui à Tokyo? Ah non, là, j'étais en vacances. Ok, en vacances. Tu vas aussi loin pour te dépayser? Ouais. Tokyo ou Los Angeles, parce que c'est vraiment des villes où j'ai éprouvé un dépaysement absolu. Total. Et tu te sens à l'aise là-dedans? J'adore. Si tu étais une langue... L'anglais. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une langue extrêmement expressive pour parler de musique. C'est une langue qui est formidable pour ça. Pour la poésie aussi? Pour tout. Ah ouais, pour les chansons, pour... je trouve que c'est une langue qui sonne très bien. Mais tu crois pas que Bachung a fait quelque chose pour Bachung? Ah si, il y a des gens, mais il y a quelques orfèvres. En français, il y a eu quelques orfèvres. Lesquels, selon toi? Bachung... Ouais, Bachung, Polnareff, Gainsbourg, Benjamin Biolay, je trouve. Moi aussi. Le parolier d'Elista. Ok, oui. Qui écrit vraiment très très bien. Et donc il y a quelques personnes comme ça qui ont vraiment un talent pour... Mais c'est rare. Mais dans la pop française, il y a peu de gens. Il y a Philippe Catherine que je vais trouver... Déjanté. Voilà. Et qui va être capable de faire quelque chose. Mais il y a assez peu de gens comme ça... Qui se démarquent. Voilà. Qui vont pouvoir faire sonner la langue, claquer la langue en rock. Il y a très peu de gens. Michel Jonas. Non, t'aimes pas trop. OK. Si tu étais, on oublie, on efface. Si tu étais une époque. Un peu facile de dire ça, mais. Ouais, vas-y. Allez, 65-66 à Londres. Swinging London, obligatoire. Avec qui tu voudrais t'entourer de qui dans le bar là? Je traînerais avec les Beatles. J'essaierais d'être copine de Brian Jones parce que voilà. De traîner avec Mary Quant pour la mode, Twiggy. Avec David Bailey, avec les photographes de l'époque, avec les cinéastes. Enfin, je veux dire, c'était un bouillonnement avec les photographes. Tu t'emmerderais pas? Non, voilà, je pense que je ferais la fête toute la nuit et qu'il faudrait m'acheter un foie tout neuf à la fin, mais c'est pas grave. Ça serait plusieurs vies. Oui, voilà. Si tu étais un mot? Un mot? Un mot, je pense que ce serait... Alors, attends, un mot... Ah merde, je pense que ce serait merde. Un merde, ah, okay. Parce que c'est quelque chose que je dis souvent. Ok. Ou plutôt en grognant. De grognement. Ok. C'est l'onomatopée que tu utiliserais. Ouais, voilà. Ou un mot, je pense que ce serait non. Oh, négatif. Non, mais c'est un mot que je ne dis pas assez parce que je tu dis oui souvent. Je travaille beaucoup et il y a des fois où il faudrait que je dise non. Ah, ok. Si tu étais un aliment. Un aliment, la tomate cerise. Qui est, je crois, c'est vrai, mon c'est bon. Préféré, c'est vrai. Ou le petit pois au wasabi. Mais la tomate cerise, tu manges ça naturellement, c'est-à-dire comme temps. Moi en marchant, voilà, comme le raisin. Voilà, moi il y en a partout. Il y en a toujours un minimum d'un kilo au frigo, donc ouais. Oh! Mais si tu passes devant un marché, j'ai le goût de tomate cerise, ok. Et moi aussi. Tomate cerise ou pomme. Ok. Si tu étais une saison. L'automne. Pourquoi? Alors, c'est la saison où je suis née. Je suis née le 30 septembre comme Marc Bolan. Et j'aime bien parce que c'est un côté un peu, peu mélancolique, c'est un côté un peu mélancolique, nostalgie, j'aime bien cet état-là, c'est un état qui est comme souvent le mien. Comme voilà. Non, mais la mort pour renaître. Ouais, voilà, un peu, j'aime bien, je pense avoir un côté un peu mélancolique, un peu, il y a le côté, voilà. On sent le Nick Cave. Ouais, un peu, ouais. Mais c'est vrai que c'est très mélancolique, Nick Cave. Ouais. Et Nassau de Trees, est-ce que tu connais? Pardon? And Also the Trees, un groupe australien. Ah, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas écouté. Très mélancolique. Si tu étais un membre corporel? Mes jambes, jambes. Pourquoi? Pour prendre les jambes à ton cou? Non, parce que j'adore les... Parce que je dois avoir 17-18 shorts dans ma penderie et autant de mini-jupes, donc il faut bien les mettre. OK, oui, et puis avoir des belles jambes. Voilà, il faut bien les mettre quand même. OK. Si tu étais un moment de la journée? Un moment de la journée... 18-19 heures, l'heure où on peut commencer à prendre des verres avec les amis. Ah, mais et c'est la maintenant, soirée là. Fait commencer. 18-19 heures, voilà. Il est ouais, moi j'aime bien. J'aime bien cette heure-là. 17h53, on est dans le temps. On est dans les temps. OK. Ouais, alors non, tu sens à l'aise, là. C'est une heure comme ça, ouais, j'aime bien. OK, ben c'est merveilleux. Et c'était voulu, hein, te placer ah, à cette heure-là. Ah, ouais, non, mais. Si tu étais un autre individu. Je pense que je serais Poison Ivy des Cramps. J'aimerais bien. Alors donc. Parce qu'elle joue bien de la guitare, parce que c'est un personnage culte. C'est-à-dire que ça n'a jamais été une rock star, mais c'est une héroïne pour plein de gens. Elle représente beaucoup de choses pour. Elle a été. C'est pareil, c'est une femme qui s'est imposée dans un truc très masculin, parce qu'il y a très peu de grandes guitaristes féminines. Ouais. Elle est belle, elle est sexy, elle est. Tu l'as rencontrée plusieurs fois quand même. Ouais. Okay. Et elle a un côté belle. Dandy. Ouais, forte, Amazon. Puis elle a une vraie personnalité. Elle a copié personne. Elle s'est, je sais pas, une vraie élégance, une vraie classe. J'ai un nom de vedette comme ça. C'était même pas prévu. Mais j'aimerais en savoir davantage sur ce que tu en penses. Et puis j'essaie de la retrouver. Tu sais, celle qui se fait passer pour Madonna, là... Lady Gaga? Oui, Lady Gaga. Parce que je l'ai vu à David Letterman. Ouais. Est-ce que tu connais David Letterman? Pardon? David Letterman. Ah oui, oui, bien sûr. Ben, David Letterman, j'adore. Bon, mais vous pouvez le prendre de chez vous? Oui, de temps en temps, tu peux par le câble. OK, mais moi, je l'ai vu. il y a 2-3 semaines avec Lady Gaga. Ah, j'ai pas vu ça. Mais t'as pas peur. Ben, tu peux le voir sur Internet. Ouais, voilà. Je pense. Alors, quelle est ton opinion sur Lady Gaga? Est-ce que tu l'as rencontrée? Non, non, non, okay. Jamais. Pour moi, je pense que déjà, s'il n'y avait pas eu Madonna, il n'y aurait pas Lady Gaga nécessairement. Je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent à la base, qui a pris une personnalité, parce que quand tu la vois sans maquillage au naturel, c'est quelqu'un de tout à fait banal, et qui a su se réinventer, devenir une espèce de création bizarre, qu'elle arrive à marketer très très bien. Et je pense qu'elle a réussi à se transformer en espèce d'œuvre d'art. Après, ce qu'elle fait... Musicalement, parce qu'elle fait de la musique. Alors, je l'écoute pas spécialement. Si j'en entends, il y a un ou deux titres qui sont... C'est très bien foutu, c'est très efficace. De son premier album ou de son plus récent? Du premier. OK. C'est bien foutu, c'est efficace. C'est pas ma tasse de thé, mais si je l'entends, je vais pas partir en courant en disant non, quelle horreur, tu vois, ça. Ça me donne pas des plaques de boutons. Après, je trouve que c'est plus un phénomène rigolo et populaire et c'est de la pop. C'est pas du rock, c'est une espèce de produit marketing très très bien vendu et elle arrive à se vendre elle-même et elle a réussi à inventer quelque chose. Alors dans le paysage musical, elle a sa place? Je dirais qu'elle a sa place plutôt dans le paysage pop. Pop. Marketing. Okay. Pour moi, c'est un peu une sorte de Coca-Cola musicale, quoi. Elle est pétillante. Non, mais voilà, t'as l'emballage, c'est pas super bon, mais tout le monde finalement apprécie en veut, plus ou moins. Voilà. veut prendre sa gorgée. Ouais, voilà. C'est. Ça n'a pas de. Pour moi, ça n'a pas d'autre prétention que ça. Et crois-tu que les années vont faire qu'elle fera sa place et on en parlera dans 50 ans comme Madonna, au contraire, c'est éphémère, ça ne fait que passer? Pour l'instant, ça a l'air de se préciser. Après, est-ce qu'il n'y aura pas quelqu'un de plus extrême? Après, est-ce qu'elle pourra se renouveler? J'en sais rien. Est-ce qu'il n'y aura pas un moment où les gens vont se lasser? Ce qu'il y a, c'est qu'elle a la chance de ne pas séduire que des gamins de 12 ans. Oui. Parce que là, on devient très vite obsolète. Donc, est-ce qu'elle va être capable de faire d'autres choses après? Si elle est intelligente, je pense que oui. Si après, elle part dans d'autres domaines, si elle essaye le cinéma, si elle essaye je sais pas quoi, peut-être. Après, il est très possible que dans 2 ans, elle décide d'arrêter et de cultiver le fromage de chèvre. Ou de faire comme Iggy Pop son jardin. Oui, voilà. OK, peut-être. Ce sera la voisine. Exactement. D'Iggy Pop. Ils pourront faire des golfs ensemble, j'en sais rien. Peut-être. Mais Isabelle, merci d'être passée à mon émission. Merci beaucoup. Et je suis heureux d'avoir discuté avec une mordue de musique et de création. Écoute, moi, ça me fait très plaisir. Et puis, à la revoyure. Puis, on va te lire, bien sûr, dans Rock'n'Folk. Absolument. À la revoyure. À la revoyure. Bye.